Bien, alors je remercie tout d'abord Béatrix Saul et Robert Halleux de m'avoir confié cette mission difficile en regard de l'exposition, d'avoir à faire un rapport de synthèse. Je précise tout de suite que j'ai dû couper à peu près les 4/5 de mon texte pour pouvoir respecter le temps qui m'est imparti. Donc je rentre d'emblée dans le vif du sujet. Campanella naquit un dimanche, le jour du soleil, 5 septembre 1568. 70 ans plus tard, le 5 septembre 1638, un dimanche de même, naquit Louis Dieudonné. Un horoscope fut dressé à la naissance de l'héritier miraculeux, horoscope que l'histoire attribue à Campanella, avec une gravure dont il subsiste une copie tardive intitulée « Le système du monde au moment de la naissance de Louis le Grand ». Au centre, le soleil illumine et gouverne l'ensemble des astres et leur impose, comme vous le voyez, leur mouvement. Ce fut, dirais-je, la première rencontre de Louis XIV et du soleil. Le système copernicien pouvait seul rendre justice, en effet, au soleil et au roi. En 1638, le procès de Galilée était proche, 1633, le De Revolutionibus de Copernic mis à l'index en 1616, au lendemain de la publication du Sidereus Nuncius, le resta jusqu'à la fin du pontificat de Benoît XIV en 1758. L'Église n'était pas copernicienne, ni les jésuites qui avaient fait leur le système géo-héliocentrique de Tycho Brahe. Ainsi, Philippe IV, roi d'Espagne, oncle de Louis XIV et son futur beau-père, était aussi un roi soleil. En effet, quatrième du nom, il avait pris pour symbole le quatrième astre tournant autour de la Terre, c'est-à-dire le Soleil. Mais il ne pouvait se prévaloir que du titre de « Rei Planeta », beaucoup moins prestigieux que celui de « Roi Soleil », qui plaçait d'emblée le roi de France au centre du pouvoir, de la cour, de Versailles, du royaume, de l'Europe, de la Terre et du monde. La théorie copernicienne que l'Église romaine n'avait pas les moyens de censurer en France ouvrait des horizons politiques que le protecteur de Galilée, Côme de Médicis, n'avait pas osé exploiter. Louis XIV tira le plus grand parti de l'astre qu'il prit pour emblème, et le château de Versailles décline à l'envi le parallèle entre le souverain des cieux et le roi de l'univers. Que dire de plus des rapports de Louis XIV et de l'astronomie ? Comme Côme II qui protégea Galilée, Rodolphe II qui avait accueilli à Prague Tycho Brahe et Kepler, ou Wilhelm IV de Hesse Cassel, Louis XIV s'est intéressé à l'astronomie, non pas en philosophe, cherchant à pénétrer les secrets du monde pour dominer la nature, mais en souverain, soucieux de dominer l'espace et le temps. La visite de 1667 du roi à l'Académie est, vous le savez, une vue d'artiste. Monseigneur honora les savants de sa visite en 1677, mais le roi ne fit le déplacement qu'en 1681. Testelin, toutefois, n'insiste pas par hasard sur l'astronomie. Cadran, globe céleste, sphère armillaire, carte du relief lunaire réalisée par Cassini, relevé cartographique, bâtiment de l'observatoire au fond édifié par Claude Perrault et achevé en 1671, tout, dirais-je, est en place. L'astronomie est, plus que toute autre science, présente. Et de fait, lorsque le roi rendit effectivement visite à l'Académie en 1681, il accorda, nous disent les registres de l'Académie, peu d'attention aux expériences qui lui furent présentées, un peu plus de temps aux publications et, enfin, le roi vit les deux machines de M. Romer que M. Cassini lui expliqua, où il s'arrêta assez longtemps. Une de ces machines est pour le calcul des éclipses et l'autre pour la théorie des planètes. Peu avant cette prétendue visite, le passage de la comète fin 1663, début 1664, avait donné lieu à une campagne d'observation dans toute l'Europe et à une controverse opposant Ozou et Petit, côté français, et Hévélius, dont une observation de mars 1664 contredisait les calculs de la trajectoire pour les mois de février et mars d'Ozou. Dans son éphémérite du comète, dédicacé au roi, Ozou se disait en mesure de déterminer précisément et de manière anticipée le mouvement d'une comète aussi bien que des astres. Si le roi, ajoutait-il, voulait se poser en maître des cieux, il devait doter ses savants d'un observatoire et des instruments nécessaires pour leur permettre d'exercer leur art à son profit. Hévélius, pensionné par Colbert, était un compétiteur dans la faveur royale, et il avait de plus le grave défaut d'avoir construit à ses propres frais un observatoire. Ozou et Petit firent encore valoir que l'exactitude des mesures astronomiques permettrait de lever de bonnes cartes, assurant donc une meilleure appropriation et maîtrise de l'espace. Lorsque l'Académie des sciences fut instituée en 1666, les 7 premiers membres en furent des mathématiciens, c'est-à-dire des astronomes. Le terrain de l'observatoire fut acquis dès 1667 et Louis XIV fit construire le bâtiment, puis engagea les astronomes à établir une carte fidèle de son royaume, tâche qui occupa, nous le savons, des générations de Cassini. Sur la demande de Colbert, Picard et Lahire réalisèrent une série de mesures et dressèrent une nouvelle carte des littoraux, en 1682 mais publiée plus tard. Les académiciens réduisirent ce faisant la superficie officielle du royaume en rectifiant précisément ses littoraux. Examinant cette nouvelle carte, au lendemain de ses conquêtes, le roi remarqua sèchement, je le cite, « Votre travail, messieurs, m'a coûté un tiers de mon royaume ». Mais il s'en consola, déclarant qu'il possédait les meilleurs savants susceptibles de donner les mesures les plus exactes et les relevés les plus précis d'Europe. Ces campagnes de mesures permirent donc au roi de s'approprier progressivement l'espace de son royaume. Le roi avait-il pour autant des connaissances astronomiques ? Je pense qu'on peut clairement répondre non. Il contribua personnellement au rejet de l'astrologie, qualifiée de crime public, parce qu'il n'était pas envisageable que les astres puissent être utilisés par d'éventuels adversaires. Après la mort de Jean-Baptiste Morin en 1655, plus aucun astrologue ne fut pensionné par la monarchie, ni même consulté officiellement ou officieusement. Louis XIV, et il s'agit là d'un refus personnel, fut ainsi le premier roi de France à n'avoir pas recours aux astrologues. Au lendemain de l'affaire des poisons, en 1682, le maintien de l'ordre passait par la condamnation des pronostiqueurs, des faiseurs d'horoscopes, devins et astrologues associés aux magiciens et sorciers. Cette condamnation était politique, tout discours sur le pouvoir des astres et l'ordre du ciel étant porteur d'une représentation du pouvoir. L'Académie des sciences ne compta donc aucun astrologue dans ses rangs, alors que la Royal Society leur fut assez largement ouverte. Cette condamnation n'avait en rien pour objet de défendre l'astronomie, et le roi lui-même ne s'intéressait guère à Copernic ou à son système. Il approuva même un curieux retour à Aristote contre Copernic et Galilée, en soutenant les jésuites qui avaient obtenu la condamnation de Descartes en 1662, puis sa mise à l'index en 1664. En effet, en 1671, par ordre verbal du roi, l'enseignement de la philosophie cartésienne fut interdit à l'université de Paris. 1671, faut-il le rappeler, c'est aussi la date de l'ouverture de l'Observatoire de Paris. Si le roi trouva dans l'astronomie une science célébrant son pouvoir, Colbert y vit une source de puissance. Son mémoire d'août 1664 expose le grand dessein du règne, faire de la France une puissance maritime et terrestre. Le Conseil de commerce est créé cette même année. Colbert reçoit l'année suivante la direction du département de la marine et en 1669 le secrétariat d'État à la marine. En 15 ans, la France se dote d'arsenaux, d'une flotte de guerre, d'une armée et bientôt d'une ceinture de fortifications qui lui donne les moyens de résister à l'Europe coalisée. Ministre tout-puissant, Colbert cumulait en outre les charges de ministre d'État, 1661, de surintendant des bâtiments, 1664, contrôleur général des finances, 1665, et secrétaire d'État chargé de la maison du roi, de Paris et du clergé. Grand prêtre du culte monarchique, il créa, avec les académies royales, les outils qui lui permirent de tarir toute autre source d'inspiration. La protection royale toucha les arts, les lettres et les sciences. Au sommet, un étroit comité, le département de la gloire du roi, présidé par Colbert, où siégeaient ses conseillers proches, Charles Perrault, Chapelain, Pierre de Carcavie, et la petite académie de 1663, future académie des inscriptions et belles lettres. Chapelain se vit parallèlement confier la liste des pensions des gens de lettres. Témoignage, nous dit-il, de la magnificence du roi, de son amour pour les lettres et les sciences et de sa bonté. Français et étrangers, pour l'essentiel poètes, écrivains, dramaturges et orateurs, devaient en retour témoigner de leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs, et la première distribution, on le sait, eut lieu en mai-juin 1663. Colbert devait alors réorganiser aussi la science française et en renouveler les rangs. Après les décès successifs de Mersenne, 1648, de Descartes, 1650, de Gassendi, 1655, de Desargues, 1661, de Pascal, 1662 et de Fermat, 1665. Le seul survivant de cette brillante génération était Robert Val, qui décéda en 1675. La crise des académies privées et la concurrence de la jeune Royal Society avaient en fait rendu nécessaire la création de l'Académie royale des sciences qui intervint en 1666. Colbert avait en outre besoin de savants, et notamment des astronomes pour son ambitieuse politique. En effet, sa politique navale exigeait la création de l'observatoire et la résolution par les astronomes de la difficile question du calcul des longitudes en mer. En l'absence d'horloge supportant le tangage, il fallait en effet disposer de signaux horaires universels pour calculer la position en longitude en mer. Les éclipses étaient trop rares, les tables lunaires et la carte du ciel pas assez précises pour permettre d'utiliser la Lune comme signal horaire universel, les satellites de Jupiter envisagés par Galilée trop difficiles à observer en pleine mer. C'est d'emblée cette question qui préoccupe Colbert. Hevelius, auteur de la Selenographia de 1647, reçut 8 années durant une pension sans en avoir jamais sollicité la faveur. Huygens et Cassini se laissèrent, eux, capturer. Christian Huygens, l'Apollonius et l'Archimède de nos jours, ou plutôt des siècles à venir, disait de lui Mersenne, avait travaillé sur les pendules composées et les horloges marines. Le savant excellait dans la théorie comme dans l'expérimentation et l'invention d'instruments. Familier de Perrault et de Chaplin, il leur parut la personnalité la plus qualifiée pour regrouper les scientifiques français et orienter les recherches de la nouvelle académie. Colbert entreprit des démarches pressantes pour l'attirer et lui proposa des conditions financières exceptionnelles, très avantageuses, 6000 livres de pension. C'était le minimum que demandait d'ailleurs Huygens. Cassini, quant à lui, avait composé des tables du Soleil, observé les comètes de 1652 et 1664, et s'était spécialisé dans l'observation des satellites de Jupiter et l'étude de la période de rotation axiale de la planète. En 1668, il avait publié les éphémérides du système de Jupiter. Le pape Clément VII voulait le retenir à Rome, mais Colbert lui proposa une pension de 9000 livres annuels. Cassini arriva à Paris en 1669 pour diriger l'observatoire, alors en cours de construction. Jamais l'on n'avait réalisé de mesures astronomiques à partir de Paris. Il fallait donc préciser la position de la ville et reprendre les tables astronomiques anciennes, les comparer aux mesures nouvelles. Des voyages furent financés, comme celui de Picard à Uraniborg en 1671. De passage à Copenhague, Picard y rencontra le jeune Rømer qui travaillait sur les volumes d'observation de Tycho Brahe. Picard rentra en France avec Rømer et les volumes de Tycho en vue de la publication des observations et des calculs qui s'y trouvaient. Au total, si l'on se penche sur les dépenses de Colbert, ici exposées en milliers de livres, entre 1666 et 1683, il apparaît clairement que la construction de l'observatoire, son entretien, ses instruments, ont constitué les principales dépenses de Colbert en matière de mécénat. Comme en outre les 2/3 des pensions annuelles de Colbert furent distribuées aux astronomes, 9000 livres pour Cassini, 6000 pour Huygens, 1500 pour chacun des 6 membres de la première section mathématique, 1500 encore pour Hevelius, les dépenses de l'observatoire, les expéditions en France et à l'étranger. De fait, la part attribuée à l'astronomie et donc à la navigation représente 75% de l'effort scientifique global des 20 premières années du règne. L'investissement donc réalisé en faveur de la marine était inouï, notamment pour la France qui n'avait aucune tradition en ce domaine. Si les astronomes n'ont pas résolu la question des longitudes, ils ont illustré l'efficacité de la recherche collective et du mécénat royal. Les savants de l'observatoire perfectionnèrent en effet toutes les parties de l'astronomie. Théorie du Soleil et de la Lune, leurs inégalités, leurs diamètres, leurs parallaxes, les réfractions, l'obliquité de l'écliptique, le mouvement des satellites de Jupiter et de Saturne, la rotation axiale de Mars et de Jupiter. L'expédition de Cayenne permit la première mesure de la distance Terre-Soleil par Richet en 1672-73. À Huygens revient l'honneur de la découverte du premier satellite de Saturne, Titan, puis celle des anneaux de Saturne. Dans son traité de la lumière de 1678, qui ne parut qu'en 1690, il posa les fondements de l'optique physique en supposant que la lumière était un phénomène ondulatoire. On doit à Cassini la découverte de 4 autres satellites de Saturne, Japette, Rhéa, Dionée et Tétis, de la ligne sombre qui sépare les anneaux de Saturne, dite division de Cassini, de la lumière zodiacale et en 1693, la publication des tables de Jupiter. Rømer réalisa les premiers calculs sur la vitesse de la lumière et du son. L'excellence des instruments, pendules, lunettes à grande distance focale et autres, perfectionnés par les soins d'Ozou et de Picard, permirent des mesures de grande précision et des observations de qualité. La recherche fondamentale y trouva donc son compte. Sans doute est-ce là le seul moment où l'on puisse parler de politique scientifique au sens moderne du terme, sans anachronisme, comme Robert Halleux vient de la définir. Dans cette relation à trois partenaires, le roi intervient peu. Colbert décide et les savants de l'Académie sont tenus en laisse par un ministre qui ne leur accorde que des gratifications annuelles. La cour ne joue aucun rôle, mais Versailles, nous le savons, en tire un grand profit, puisque les savants sont sollicités sur les grands chantiers de nivellement, de terrassement, d'adduction d'eau. La mort de Colbert et l'avènement aux affaires de Louvois, qui prit systématiquement le contre-pied de son prédécesseur et abandonna sa politique maritime, mirent fin à cet état de grâce. Seuls les chantiers de Versailles, on le sait, furent maintenus. La chute des investissements de mécénat est, comme vous pouvez le voir, spectaculaire, notamment pour l'astronomie qui va faire les frais de toute la réorganisation de la recherche et à long terme. Vous avez la totalité des sommes en milliers de livres dans le premier tableau et les moyennes annuelles pour chaque ministre dans le tableau du bas. Lorsqu'il dota l'Académie de statut en la réorganisant, Pontchartrain entérina le choix de Louvois en limitant donc la part des astronomes qui représentaient à la limite la moitié des académiciens ne comptèrent plus que pour une classe sur 6 en 1699 et pour une classe sur 8 en 1785. Les rangs des astronomes d'ailleurs se renouvellèrent peu au XVIIIe siècle puisque les sièges académiques furent accaparés par trois dynasties, les Cassini-Maraldi, les Delisle-Buache et les Lahire. Les statuts de 1699 ont assuré la pérennité de l'Académie des sciences, sa stabilité et son autonomie. La réorganisation permit un élargissement de ses compétences, une augmentation notable du nombre de ses membres, renouvelée par des procédures fixées, avec pour les pensionnaires, cette fois-ci, des revenus réguliers et pour tous, de véritables carrières administratives. L'Académie constituant une sorte de véritable corps d'État. Les membres honoraires, ministres et grands personnages de la cour, devaient en théorie assurer le lien avec le pouvoir. Un patronage royal lointain laisse à l'Académie, de fait, toute autonomie. Les années 1699-1793 constituent ainsi un véritable âge d'or de l'institution académique qui réserve à tous ses membres les offices lucratifs des différents établissements royaux. L'Académie se trouve ainsi au sommet de tout un réseau des administrations et administrateurs et ingénieurs d'État, et elle agit, nous dit-elle, au nom de l'Académie publique, de l'utilité publique. Louvois avait insisté sur la nécessité, nous venons de le voir, d'une science utile et non pas curieuse. Une science non plus au seul service du roi, il n'y a plus de grands chantiers à Versailles au XVIIIe siècle de la taille de ceux ouverts par Louis XIV, mais de l'État. De leur côté, les académiciens et Réaumur en tête ont mis l'accent sur leur utilité pour la société, et leur importance comme évaluateurs et experts, tant en matière de science que d'enseignement, de livres et de manuels. Chacun y trouve son compte. La monarchie crée tout au long du siècle une série d'institutions et d'écoles qui vont s'ajouter au jardin du roi et à l'observatoire et permis aux académiciens de consolider leur statut social en cumulant toute une série de fonctions comme censeur, inspecteur des manufactures, directeur, enseignant, etc. Cette évolution renforce donc le monopole et la concentration de toutes les activités scientifiques dans les mains des académiciens, à qui revient le pouvoir de définir la bonne science, les bons ouvrages, les bonnes pratiques, les recherches utiles, et donc d'infléchir la politique en ce domaine. Il s'agit de pouvoirs exorbitants, remis entre les mains de savants choisis pour leurs compétences et unanimement jugés tels. Cette concentration, très utile aux politiques, fut, on le sait, imité dans la plupart des États d'Europe, Robert Halleux vient de le rappeler, l'Angleterre faisant seule exception. L'Académie des sciences reçut ainsi une sorte de magistère scientifique sans précédent qui aboutit à un monopole de fait. À Paris, les savants disposent d'un réseau de relations efficaces avec les salons philosophiques ou aristocratiques. Et les écoles privées se multiplient, d'autant que l'absence d'enseignement scientifique dans le cursus universitaire garantit en quelque sorte leur succès. Ces écoles sont fréquentées par un public mondain, aristocratique, mais aussi féminin. L'abbé Nollet, assistant de Réaumur, pour qui il avait réalisé des mesures thermométriques, présenté à l'Académie en 1733, reçu en 1739, avait ouvert en 1734 un cours public de physique expérimentale où il présentait ses instruments. La présence de princes de sang, le duc de Penthièvre, du duc de Chartres, assura un grand succès mondain à cette entreprise. Devant un public aristocratique avec un art consommé de la mise en scène, l'abbé se livrait à des expériences amusantes, à des jeux de physique, à la présentation de machines et d'appareils magiques, entre autres. L'expérience et la démonstration valent ici divertissement, amusement, récréation. L'ambitieux abbé gagne ainsi la caution de gentilhomme et ses entrées à la cour en 1744. Il y séduit la reine et la dauphine et devient précepteur des enfants de France pour les sciences. La cour, où l'on s'ennuie, se plaît à ses divertissements. La commotion électrique du 14 mars 1746 aurait touché, selon les différents témoignages, entre 60 et 200 personnes. Et, nous disent les témoignages du temps, l'abbé à lui seul aurait électrisé plus de 2000 personnes dans les premiers mois de 1746. Alors l'abbé Nollet soignait sa mise en scène, la mise en scène de ses expériences, véritable spectacle mondain où il dévoilait, et je cite ces termes, des phénomènes curieux, singuliers, merveilleux, prodigieux, grâce à un rituel bien rodé où la préparation devait produire l'attente de l'effet spectaculaire. L'abbé se plaisait à montrer le comportement capricieux des phénomènes et les bizarreries de la nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il s'intéresse à l'électricité, objet d'un engouement mondain qui donnait alors lieu à aucun procédé utile. Mais cet agent invisible permettait une variété quasi infinie d'effets, eux, qui étaient visibles. L'électricité relevait du mystère, elle permettait en fait à l'abbé Nollet de déployer tout l'arsenal de ce qu'on peut appeler la preuve curieuse. Ses succès à la cour ne lui ont pas évité une querelle avec Benjamin Franklin, querelle qui illustre deux conceptions opposées de l'expérience et de la preuve. Franklin ne s'intéresse pas au spectaculaire, ni à la surprise, ni au divertissement mondain. Il s'attache essentiellement au protocole qui permettent la répétition à l'infini de l'expérience. Alors que Nollet dramatisait les expériences, insistait sur les profonds mystères de la nature, Franklin s'inscrit, lui, dans le registre de l'immuable et annonce d'avance des résultats attendus. Il s'intéresse aussi aux effets pratiques et mit 20 ans à faire accepter en France son paratonnerre parce que l'inventeur d'un instrument devait y chercher son crédit non pas auprès des utilisateurs comme en Angleterre, mais de la cour, des élites et des administrations d'État. Or, contre Franklin, l'abbé Nollet avait fait appel à l'arbitrage de l'Académie à plusieurs reprises, Académie qui soutenait encore, dans les années 1760, ses causeries scientifiques, ses expériences électrisantes et ses commotions électriques. Franklin et ses partisans ne l'emportèrent qu'en 1770, après la mort de l'abbé Nollet. Dans cette affaire, l'arbitrage de l'Académie, qui s'est porté garante en quelque sorte d'une science officielle, cet arbitrage en faveur de l'abbé Nollet, et le rôle qu'a joué la cour dans cette entreprise ont joué un bien mauvais tour à la science. En février 1778, Mesmer débarque à Paris. Il a exercé la médecine à Vienne. Il y a soutenu une thèse mêlant l'astronomie et le newtonisme, le De Planetarum Influx de 1766. En 1773, il y a ouvert une clinique magnétique en compagnie d'un jésuite professeur d'astronomie. Mesmer s'intéresse aux fluides de toute espèce électrique, magnétique, phlogistique, dont il propose des applications médicales. Bien entendu, le fluide de Mesmer est invisible, mais c'est un agent d'attraction puissant, car les planètes ne pourraient s'attirer dans le vide. Il est source de, c'est ici le système du monde de Kara, système cosmologique de Kara, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est source de phénomènes comme la chaleur, la lumière, l'électricité et le magnétisme. L'art de la persuasion de Mesmer, ses mises en scène fascinantes, ses effets théâtraux et magiques, suscitent l'engouement de la société parisienne, prête à faire bon accueil à ses thérapies coûteuses. Mesmer s'attaque à la capitale. Il y remporte des succès mondains. Il y sollicite la caution de l'Académie et y expose en vain sa théorie. Puis il sollicite la faculté de médecine qui ne le prend pas plus au sérieux et l'attaque même violemment dans le journal de la médecine et la gazette de santé. Mesmer part donc à l'assaut de la cour par l'intermédiaire du comte de Ségur où il séduit un public féminin, la reine, la duchesse de Chaulnes, la princesse de Lamballe, la duchesse de Bourbon, entre autres. On sait que la reine offrit à Mesmer par l'intermédiaire de Maurepas au printemps 1781 une pension à vie de 20 000 livres et une autre de 10 000 livres par an pour ouvrir une clinique pour soigner et enseigner s'il acceptait la surveillance de 3 pupilles du gouvernement. Mesmer refusa ce contrôle. Cette faveur de la reine et de la cour mit le roi et l'Académie des sciences, juge en dernière instance des bonnes et des mauvaises pratiques, dans le plus grand embarras. L'Académie n'avait pas alors de philosophie en matière de fluide. Newton lui-même avait parlé dans ses Principia, je le cite, d'un milieu beaucoup plus subtil que l'air qui pénètre les corps les plus denses et envisageait parfois la pesanteur comme une puissance occulte. À une époque où Madame du Châtelet avait rendu intelligible la théorie de la gravitation universelle, où Franklin avait appliqué les théories de les propriétés de l'électricité au paratonnerre et Montgolfier soulevait l'homme dans les airs, le fluide invisible ne semblait pas si miraculeux. Au XVIIIe siècle, écrit Robert Darnton, les Français lettrés ont sous les yeux un splendide univers baroque où leur regard se promène sur des vagues de fluide invisible dans le royaume de la spéculation infinie. Les savants eux-mêmes avaient un discours obscur. Lavoisier condamne le phlogistique au nom d'une énergie thermique définie comme un, je le cite, un fluide très subtil qui s'insinue à travers les molécules de tous les corps et les écarte. L'abbé Nollet avait montré les pouvoirs miraculeux du fluide électrique universel qu'il expliquait par l'alternance de courants affluents et effluents. Différents fantômes, comme les molécules organiques, l'éther, le feu et autres puissances obscures, habitent les pensées et les écrits de Bailly ou de Buffon. Et si l'on consulte les articles feu et électricité de l'encyclopédie, ils décrivent, somme toute, des fluides assez semblables aux fluides de Mesmer. En outre, les découvertes de Lavoisier relatives aux gaz invitaient à penser la transformation des éléments. L'univers, de fait, pouvait paraître traversé par des fluides, par des agents universels, des forces invisibles se heurtant dans le vide, mais susceptibles aussi d'accomplir des miracles, comme l'envol de la Montgolfière au-dessus de Metz le 15 octobre 1783. Le mesmérisme n'avait donc rien d'absurde dans le contexte de la science en cette fin du XVIIIe siècle. Devant les succès du mesmérisme à la cour et dans la capitale, devant l'effervescence croissante et la multiplication des désordres et des convulsions, le roi avait demandé l'arbitrage de l'Académie et fait nommer une commission royale composée notamment de Lavoisier, de Bailly et de Franklin. Les commissaires écoutèrent les patients, se soumirent eux-mêmes à une mesmérisation continue sans résultat, et concluèrent que le fluide de Mesmer n'existait pas et que les phénomènes de convulsion étaient liés à l'imagination surexcitée des patients. Une autre commission de 5 membres de la Société royale de médecine conclua tout aussi négativement. Les mesmériens, soutenus par l'opinion publique et la cour, eurent beau jeu de s'en prendre à la science officielle, au despotisme de l'Académie qui censurait la science au nom de ses intérêts propres, à la Société royale, qui entendait se réserver l'exclusivité de l'expertise. De là, une campagne de presse sans précédent, condamnant la science officielle, les institutions qui la représentaient, la monarchie qui s'en portait le garant, au nom de la liberté. Le tout s'accompagnant d'un engouement pour toutes les nouveautés, pour les fluides gazeux et les montgolfières, pour les automates qui faisaient alors fureur. Ainsi, pendant l'été 1784, un certain Kempelen ravit les Parisiens avec son automate joueur d'échecs que concurrençaient alors les têtes parlantes de l'abbé Mical. Dans les années 1780, l'engouement des Parisiens pour la science nouvelle et les manuels de magiciens n'avait d'équivalent que celui de la cour pour les expériences surnaturelles et la physique amusante, les machines, les fluides et l'électricité, les baquets, les automates, les montgolfières figurent au titre des spectacles de la cour comme de la rue. L'apogée du mouvement mespériste à Paris se situe dans les années 1779-1784, avant que la province ne prenne le relais. Avec la Société de l'harmonie universelle, fondée par Bergasse, le mouvement avait tourné à l'ésotérisme, combinant sciences occultes et rituels maçonniques. La Société parisienne de l'harmonie comptait parmi les siens le duc de Lauzun, le duc de Coigny, le comte de Ségur, le baron de Talleyrand, le marquis de Jaucourt et un grand nombre de courtisans. Leur présence ne plaida en rien en faveur de la monarchie jugée solidaire d'une académie dont les pouvoirs étaient condamnés comme despotiques. À leur côté, on trouve les futurs cadres de la Révolution, Lafayette, Adrien Duport, Brissot, Cara, auteur de cette cosmogonie que je vous présente là, Bergasse, les Rolands, Duval, du Prémesnil. Alors, durant le siècle et demi envisagé, les rapports entre roi, cour et science furent complexes, variables et bien entendu différents selon les sciences envisagées, parce que je n'ai pu pas les traiter toutes dans le temps qui m'était imparti. Donc, rapports complexes, variables selon les sciences envisagées, selon les rapports au pouvoir de ces différentes sciences et la manière dont l'opinion publique les percevait. La science, dans les temps envisagés, ne servait plus à glorifier Dieu ni la création. Depuis Bacon, dont Robert Halleux vient de parler, savoir et pouvoir étaient étroitement liés et la science devait être utile au prince et à l'État. Utile au prince, elle pouvait le rendre puissant sur mer et sur terre, contribuer à sa gloire personnelle, à l'illustration de son règne, aux prouesses techniques qui présidaient à la mise en scène de son pouvoir. Louis XIV, mais surtout Colbert, avaient bien compris les services réciproques que pouvoir et science pouvaient attendre de ce commerce. Un commerce qui excluait la société, non pas comme destinataire, mais comme partenaire. L'intervention de la Cour permit au XVIIIe siècle la résurgence de pratiques sociales, dirais-je, archaïques de la science, opposant la science dite officielle, à la science dite officielle, une science alternative, fondée sur la preuve curieuse, sur un mode d'expérimentation spectaculaire, sur une mise en scène du mystère, contraire à la rationalité prônée par une académie érigée en arbitre suprême. Cette résurgence témoigne d'un sentiment de dépossession lié certainement à la technicité des sciences devenue inaccessible aux profanes. Dépossession du savoir, qui échappe à la culture aristocratique de la curiosité, savoir accessible à une infime minorité, qui représente l'élite du savoir et non plus celle du second ordre, mais aussi dépossession du pouvoir, accusé d'entretenir avec la science un dialogue privilégié et occulte puisque hors contrôle. Bien que la Cour de France n'ait jamais passé pour une cour savante et que les rois de France n'aient jamais été d'authentiques savants, mais seulement d'honnêtes amateurs, si éclairés fussent-ils, qui manifestaient leur curiosité pour les découvertes nouvelles et exerçaient un patronage bienveillant, le lien très fort et central entre savoir et pouvoir mis en place par Colbert avec l'institution académique s'est maintenu tout au long du XVIIIe siècle, alors même que la monarchie n'avait plus de grand dessein scientifique à proprement parler, et au-delà, à travers la Révolution, alors que la monarchie n'était plus. Je vous remercie. Alors, simplement, puisque j'ai commencé avec le système de Copernic, quelques mots sur le système de Cara, bien qu'il n'ait pas grand-chose à voir avec la Cour. Donc, vous avez effectivement une cosmologie centrée, puisqu'en A, sur le centre, c'est le grand pendule universel, mais dans le cercle, alors je ne sais pas si je monte, dans le cercle extérieur, là, des... marqué par la lettre D, vous avez des systèmes généraux composés d'un grand nombre d'astres et de soleils, donc vous avez là une démultiplication des soleils, et surtout de part et d'autre, ce qu'il appelle des exatomes, qui sont des sortes de corps célestes gigantesques qui gouvernent le mouvement des systèmes généraux qui forment le cercle extérieur. Donc, comme vous le voyez, nous avons des soleils démultipliés et non plus la concentration initiale du système de Copernic que je vous ai présenté initialement. Je vous remercie.